C'est l'histoire d'un enfant qui avait oublié de grandir, l'innocence dans son état pur. Et qu'est-ce que je pourrais bien dire pour des raisons qui vous échappent? Un goût de rancœur dans ses fous rires, un sourire comme écharpe quand le froid vient l'assombrir. Le regard par la fenêtre à contempler les arbres, témoin d'une étrange alchimie où son cœur d'or devient du marbre. On n'étale pas sur la table des choses que la table ne supporterait pas. Je convoque le diable à s'expliquer sur son cœur et ses états. Elle disait: donne-moi une raison de me battre, je retournerai le monde. Donne-moi une raison d'aimer, j'irai te rejoindre dans ta tombe. Et de jour en jour son cœur s'assèche, car il faut que tu saches, il t'aurait même donné ce qu'il n'a pas. Alors pourquoi tu te caches? On lui reproche ses tremblements, on lui reproche sa différence. Un jour le diable attendrissant, venu prendre sa défense, découvrant l'écriture depuis l'âge de ses 8 ans, a vu s'étonner plus d'un prof qui comprit en lisant. Trop sensible, ce monde me dicte de tuer l'enfant. La vie m'impose des règles strictes, alors j'ai tué l'enfant. Ma mère me reproche souvent d'avoir tué l'enfant, souvenir envolé par le vent. Ouais, j'ai tué l'enfant. Trop sensible, ce monde me dicte de tuer l'enfant. La vie m'impose des règles strictes, alors j'ai tué l'enfant. Ma mère me reproche souvent d'avoir tué l'enfant, souvenir envolé par le vent. Ouais, j'ai tué l'enfant. 16 ans, c'est la belle saison pour faire éclore les sourires, pouvoir bouger de sa maison et essuyer quelques fous rires. Premières histoires d'amour, première grosse déception. Et puis un jour, la boîte de Xanax lui fit bonne impression. Victime d'irrationnel peur, pensant contrôler ses pensées. Le tourbillon prend de l'ampleur jusqu'à ce qu'il vienne à se demander: raisonnement ou ressenti, qu'est-ce que je prône? Éternelle question, c'est le nerf ou le neurone? Déchirure cérébrale, rien n'est donc éternel. Les proches, les frères, les femmes se feront un jour la belle. Tu ris plus, tu dors plus, petit enfant qu'arrives-tu? La compassion est une vertu, mais le sais-tu? L'indifférence tue. Le noir comme exultoire, des fantômes planqués sous le lit, qui se réfugient dans l'armoire, tellement ils ont peur de lui. Psychotique, névrosé, à deux doigts de péter les plombs, monta sur la rambarde et cria au-dessus d'un pont. Trop sensible, ce monde me dicte de tuer l'enfant. La vie m'impose des règles strictes, alors j'ai tué l'enfant. Ma mère me reproche souvent d'avoir tué l'enfant, envolé par le vent. Ouais, j'ai tué l'enfant. Trop sensible, ce monde me dicte de tuer l'enfant. La vie m'impose des règles strictes, alors j'ai tué l'enfant. Ma mère me reproche souvent d'avoir tué l'enfant, souvenir envolé par le vent. Ouais, j'ai tué l'enfant. Les remises en question s'enchaînent, la folie passe à l'action. Le voilà esclave s'enchaîne de sa propre réflexion après une tentative de meurtre. Quand la haine prit le contrôle, se questionna si réellement l'amour avait le bon rôle. Il en peut plus, à cran, sensibilité accrue. Tout ça changera quand il deviendra grand, du moins il l'a cru. Il veut tout apprendre du monde fier et c'est trop de choses pour un enfant. Comprends que sa rage date pas d'hier, mais de l'époque des francs. 2 ans plus tard, thérapie. Les pistes des borderline après des pensées bien plus sombres que celles des mœurs de Columbine. Condamné à jamais à côtoyer les extrêmes, décida de gerter le Père Noël pour pouvoir reprendre les rênes. N'entendant pas les anges lui dire que le monde est joli, se plongea dans les contes sans fin. 2001 folies, 21 ans, le décompte touche à sa fin. C'était la goutte de trop, il prit sa plus belle plume pour écrire ces quelques mots. Trop sensible, ce monde me dicte de tuer l'enfant. La vie m'impose des règles strictes, alors j'ai tué l'enfant. Ma mère me reproche souvent d'avoir tué l'enfant, souvenir envolé par le vent. Ouais, j'ai tué l'enfant. Trop sensible, ce monde me dicte de tuer l'enfant. La vie m'impose des règles strictes, alors j'ai tué l'enfant. Ma mère me reproche souvent d'avoir tué l'enfant, souvenir envolé par le vent. Ouais, j'ai tué l'enfant. Ouais, j'ai tué l'enfant. Alors j'ai tué l'enfant.